Du haut de mes 18 piges, j'ai acquis tous les codes, ouais. Je m'en sors dans ma vie, pourtant j'ai quitté l'école. J'ai pas atteint la cible, je vais à Bercy pour foutre le bordel. Je remercie ma team et mon équipe, j'ai de moins en moins de peine. Fallait faire le tri, donc j'en ai mis à la corbeille. Me balade dans la ville, mon bolide a le bruit d'un cortège. Tu sais tout ce qu'on vit, donc tu sais bien quand il faut se taire. J'ai rendu fou les Schmitt, leurs enfants veulent tous des posters. Un concert en full fire. J'attrape le micro, je fais kiffer les frérots, le public est chaud, c'est chaud mon pote, je suis ailleurs. Laisse tomber, je veux plus les voir, j'avance du moment qu'on y croit, je vois plus maman pleurer. Tu me parles parce que t'as un intérêt, dis-moi sur ce qui t'intéresse. Maman roule la Mercedes, mon cœur ou mes pesos, mais c'est hors de question. Quand j'étais en panne d'essence, je vous ai pas vu. Oui je zone, oui je zone, oui je zone, et on contrôle la neuse. Tu sais bien que je suis pas comme les gens. Que même la raison ignore. Niquez vos mères, vous et vos proverbes ignorent. Tout ce que je rappe est ce qu'ils notent. Toutes mes phases, mes syllabes. Je nique sa mère et snap. Et t'appelles ça un pote. Moi je m'en rappelle des fois en bas du bloc avec les sauts. Moi je m'en rappelle du bloc dans la sacoche pour les idiots. Je veux pas être une icône. Et je veux juste prendre ma part. Mon bolide, mon appart. Je se barre pour mettre des tas. Je reviens, j'ai pas tourné la page. J'ai les mains faites pour le sale. Je suis là pour remplir le sac. Et repartir comme un prince. Si tu ferais pas de cadeau, moi tu t'arras pas loin si tu fais la pince. C'est qui m'ont pas fait la passe. Je prends le billet, regardez vos pieds. Oui je zone, oui je zone, oui je zone, oui je zone, et on contrôle la neige. Tu sais bien que je suis pas comme les gens. Tu sais bien que je suis pas comme les gens. Oui je zone, oui je zone, oui je zone, oui je zone, oui je zone, avant d'entrer à la maison. Tu sais bien que je suis pas comme les autres. Tu sais bien que je suis pas comme les autres. Gardez, gardez ce que vous voulez, je suis dans le futur. J'oublie le passé, j'avance et je finirai solo. Viens nous voir en dehors de la musique, tu verras que le carré blanc, le cœur a subi trop de choses. Oui, je sais que maman m'avait dit que dans la vie, y'a très peu d'amis qu'on finit très souvent, souvent solo. Mais Dieu merci, j'suis dans la musique, j'vise le gros lot, j'pense en bolide automatique, j'prends le poteau. Oui, je zone, oui, je zone, oui, je zone, oui, je zone, oui, je zone, et on contrôle la neige. Tu sais bien que j'suis pas comme les autres, j'suis pas comme les autres. Tu sais bien que j'suis pas comme les autres, j'suis pas comme les autres. Tu sais bien que je suis pas comme les autres. Tu sais bien que je suis pas comme les autres.